Elle est comme un cerf-volant. Des fois elle danse, des fois elle attend. La fumée blanche. Elle aime écouter les gens, comme l'eau ruisselle sur la grille. Elle dérive avec ou sans amant. Pacifique, elle est électrique. Quand elle passe dans le ciel, c'est une femme séquentielle. Madame, madame, madame à 50 ans. Madame, madame. Madame avait 20 ans.